Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, après la crise, demain est-il un autre jour ? Une série de Marie Chartron, réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a cette crise sanitaire, économique et sociale dont on voudrait voir la fin et cette envie de visiter en archive d'autres lendemains de crise dont ceux qui semblaient chanter de mai 68. Alors pour commencer, les personnages. Une fille et ses souvenirs, des journalistes sur le terrain, des ouvriers qui revendiquent, un lycéen qui a occupé, des acteurs en transe, deux ouvrières révoltées, une féministe qui raconte, ses rigues, un enfant, des profs émerveillés et des établis. Ensuite le décor. Le silence, l'usine, la grève, une séquestration, la joie, la reprise, une baignade, Avignon, des lois anti-casseurs, le gauchisme, des manifestations, un journal, le MLF et des crèches sauvages. Aujourd'hui, deuxième épisode et un joyeux Noël. Française, Français, de tout mon cœur, je souhaite une bonne année à la France. Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Je crois cependant qu'au total, à moins de graves secousses qui bouleverseraient l'univers, notre situation continuera de progresser et que tout le monde y trouvera son compte. Vous êtes sur l'antenne. Eh bien écoutez, Jean-Pierre Alcabache, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. À quel endroit du boulevard Saint-Germain vous trouvez-vous ? Eh bien je me trouve devant le Mavillon, exactement. Mais je fais très attention, excusez-moi si je suis un petit peu essoufflé parce qu'on est obligé de courir, de faire attention aux pierres qui tombent de tous les côtés. Je vois là-bas des CRS qui sont parvenus au contact et il y a des coups très très sévères qui sont déchargés. Comment les étudiants gaz sont lâchés. Les gaz sont lâchés, ce ne sont plus des gaz lacrymogènes. Ce sont des gaz asphyxiants ou du moins des gaz qui font tousser et je suis obligé de revenir un petit peu en arrière. 1968, sous les pavés, l'avenir. Marie Chartron, Doria Zénine. Le son de 1968. Détonation et slogan étudiant. Un déroulé des événements dans la capitale est établi heure par heure. Les rayons d'alimentation vides dans les magasins, les bus de remplacement mis en service par l'armée pour atténuer les effets de la grève des transports publics font le tour de tous les médias. Une période écrite, rectifiée, mythifiée, dont l'historiographie est en mouvement. Et puis après, un an déjà, coucou nous revoilà. Les lendemains de 68 s'étirent longuement en flux discontinu. Dans le déluge des archives, je ne sais pas par où commencer ni qui interroger autour de moi. Je viens de la Loire, région ouvrière et ancien bassin houiller, dont l'industrie dense a fait vivre jusque dans les années 70 toutes les petites villes autour de Saint-Étienne. Ici, ces journées ont enfiévré les ateliers d'usines. Jean-Paul, à l'époque lycéen, me raconte le silence soudain de l'industrie métallurgique et de l'activité économique. La bande-son de leur quotidien, qui défilait jour et nuit au rythme des 3-8, s'était tue. En ville, plus de rumeurs de ponts roulants, de marteaux pilons, de bruits de chaînes, de lourds trains de marchandises. La nuit, on entendait les grillons, et le jour, les gens se rassemblaient. Alors par où commencer ? Je me rappelle une photo. Pierrot, la quarantaine bien entamée, casquette vissée sur la tête, colle des affiches avec un sourire rayonnant. En 1968, il travaillait à la fonderie de la Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire, la CAFL, juste à côté du village en bois, les logements ouvriers où il avait grandi dans une famille de 6 enfants. Alors, dans ce carton, ça c'est une photo de la CAFL entre Fraisse et Unieux. Donc ça doit dater des années 60, je pense, et que mon père gardait précieusement, elle est agrandie. C'était une archive et elle est même agrafée sur une radio de sa colonne vertébrale. On peut regarder des deux côtés. Qu'est-ce que c'est, ce carton ? Alors, ce carton, c'est ce qu'on s'est partagé avec mon frère après le décès de mes parents. Donc ça, ce sont leurs papiers personnels. Et mon père avait l'habitude d'écrire des petits mots par-ci, par-là. Donc j'en sors un. Et celui-là, il me l'a donné personnellement. C'était « Créer 500 000 emplois pour la qualité de vie commune et la solidarité ». Et là, il l'a souligné. « C'est possible ». Donc mon père était très engagé politiquement. Et voilà, il était militant, il était aussi délégué syndical à CFDT, à l'époque où les CFDT revendiquaient. Alors il militait, et il était effectivement très occupé par ça. Et il passait beaucoup de temps à écrire des textes. Et pour moi, de voir la photo des ateliers et puis ces textes que mon père écrivait, ça me rappelle des souvenirs de 68, quand j'avais 11 ans et demi, j'étais en 6e, et j'ai vécu une expérience incroyable, dont je me souviens encore. Mon père travaillait à la fonderie, les ateliers étaient occupés, et il nous avait invités, avec tous les autres enfants d'ouvriers de la fonderie, aller assister à une pièce de théâtre. C'était la première fois que j'assistais à une pièce de théâtre. Habituellement, on allait une fois par mois à Connaissance du Monde, on voyait des documentaires, mais c'était offert par l'usine. Et là, ça avait été, mais j'en ai un souvenir comme on a peu. Je me souviens encore où j'étais assise, comment ça se passait. C'était la Mégère apprivoisée, c'était la Comédie de Saint-Étienne qui s'était déplacée dans les ateliers. Et j'étais toute petite, mais je m'en rappelle encore de ce théâtre, mais vraiment. Donc je crois qu'ils avaient bien visé et bien atteint le but qu'ils cherchaient en allant à la rencontre des ouvriers, de leurs enfants, de tous ces publics qui n'allaient jamais les voir au théâtre. Et ça m'a vraiment marquée. La grève, cependant, a fait tache d'huile. Les trains, les bus, les métros, les avions sont arrêtés. Le mouvement ouvrier a pris le pas sur le mouvement étudiant. Les arrêts de travail avec occupation des locaux se multiplient avec une rapidité foudroyante. Vendredi soir, on comptait 20 000 grévistes. Dimanche matin, on en compte 2 millions. Plus de 100 grandes entreprises sont occupées par les ouvriers. On s'achemine pour lundi vers une grève généralisée et une paralysie totale du pays. Dimanche, à l'Élysée, c'est la réunion d'un conseil restreint. Les journalistes présents n'obtiennent aucune information nouvelle. L'allocution du général de Gaulle aura lieu à la date prévue. Auparavant, le débat sur la motion de censure aura eu lieu à l'Assemblée nationale. Appris que les ouvriers de Cléon étaient en grève depuis hier après-midi, en grève illimitée. Ces ouvriers ont même séquestré le directeur. Il est encore... Il est encore sous les verrous. Les motifs de cette grève étaient un salaire de pas moins de 100 000 francs à la base, les réductions du temps de travail mais sans perte de salaire, hein, et la minoration, pas de minoration de prime pour un cadre complet pour la grève comme actuellement. En 1968, j'étais lycéen à Firmini, dans la Loire. J'étais en seconde au lycée Albert Camus. Et les événements de 68 sont arrivés, un peu poussés par les profs d'ailleurs. Bon, ce qu'on a aimé, c'est occuper le lycée. C'est aller partout, courir sur les tables, fumer dans le lycée, c'était interdit, amener les guitares, être sur les pelouses. Puis après, on a été virés, donc on a occupé la maison de la culture. Enfin, diverses choses. On n'a pas compris grand-chose au mouvement. Moi, je voulais aller aux manifs. Ça me plaisait de bouger. Mais mon père voulait pas. Il trouvait que j'étais trop petit, alors il me disait non, casse du bois pour ma chaudière. Enfin, il me trouvait toujours quelque chose à faire. Mais moi, je trouvais toujours le moyen de m'échapper pour aller voir ce qui se passait. Parce que dans ce mouvement, on était les petits derniers à 16 ans, hein, parmi les plus jeunes. On n'a pas vraiment compris, mais on l'a compris un ou deux ans après. On nous l'a expliqué. Mais pour nous, ça a été comme un couvercle de cocotte-minute qui sautait, parce que la société de cette époque était quand même assez serrée, assez fermée. On n'avait rien le droit de faire, notamment au lycée. Par exemple, on a obtenu un droit pour nous, on s'est battu pour ce droit. Aujourd'hui, on regrette, mais on s'est battu, on a obtenu le droit de fumer, les plus grands, fumer dans le lycée. Alors évidemment, 40 ou 50 ans après, on l'a vachement regretté, parce qu'il y en a pas mal qui ont eu des problèmes à cause de la fumée. Mais pour nous, c'était un droit, c'était la liberté. Mais il fallait trouver des clopes en 68, il n'y en avait pas partout. Je me rappelle qu'il faisait beau, puis d'être libre et d'être toujours dehors, et puis que ce lycée nous appartenait. C'est une sorte de regroupement d'éléments qui ont fait que les usines, les unes après les autres, sont rentrées dedans la grève en 68. Mais je dois dire que dedans mon entreprise, je qualifierais la chose presque d'une grève joyeuse. Une grève joyeuse. Parce que les gens étaient contents de se retrouver ensemble. Les matins, on faisait le point de la situation, ce qui s'était passé au niveau national, ce qui s'était passé donc au niveau de la ville et puis après du département. Et puis on se retrouvait le soir. On se retrouvait donc les personnes qui étaient élues et puis quelques autres aussi, qui occupaient l'entreprise, puisqu'on était en occupation totale. Donc, et on faisait donc le casse-croûte. Tous les soirs, il y avait la soupe. La soupe de légumes qui était préparée collectivement et qu'on mangeait aussi tous ensemble. La soupe donc à l'intérieur de l'entreprise. Alors là, c'était un moment de convivialité. Comme on en a peu trouvé par la suite. Bon, il y avait des personnes qui prenaient donc des voitures, allaient collecter auprès des paysans du Mont Pilat les victuailles, les poireaux, les pommes de terre, voilà. Et ensuite, donc, on se mettait tous autour de la table, faire les épluchures, faire la soupe. Et puis après, bien sûr, il y avait... C'était la fête. Disons-le, c'était la fête. En 1968, il était très engagé. On le voyait très peu parce qu'il occupait les ateliers. Et à la maison, c'était un peu compliqué parce que ma mère, qui était issue de milieu très ouvrier aussi, avait dû être traumatisée quand elle était petite. Elle avait toujours peur de manquer. Elle stockait. Donc au début de la grève, elle mettait des kilos de sucre et des pâtes de côté. Ça mettait mon père dans une colère. Il n'était pas content. Il trouvait ça pas normal. On n'avait pas à stocker. Donc parfois, ça créait débat et ça faisait conflit. Je me souviens de ça. À la Bourse de Paris, pour la première fois depuis 18 jours, le coup de cloche marquant l'ouverture de la séance a retenti aujourd'hui à 12h30. Les dégâts de l'incendie allumé le 24 mai par les manifestants sont encore visibles. En particulier, le système d'affichage électronique détérioré obligeait les opérateurs à des allées et venues d'un groupe de cotation à l'autre pour se rendre compte de l'évolution des cours. Sur les valeurs françaises, deux tendances se sont opposées. Forte hausse des valeurs d'alimentation, baisse sensible sur les affaires d'équipement électronique et mécanique, sur les automobiles et les métallurgiques. L'or, pour sa part, a continué de grimper. Cette séance, disent les observateurs, n'a été qu'une journée d'observation. Dans la matinée du 10 juin 1968, après trois semaines de grève et occupation d'usine, les ouvriers de Vonder à Saint-Ouen, réunis par leur patron, ont voté la reprise du travail par 560 voix contre 260. Le jour même, à 13h30. Voyez les ouvriers de la maison rentrer. Voilà, le salaire, le tondier, vous l'avez mis en échec sur tous les points. Hein. Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On n'a rien, on est tout seul à la voie de vacances. C'est pour ça que t'as mis. Engagé, mais oui, Dieu. Mais oui, Dieu, il a reculé. Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Messieurs. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel nous sommes. On est dégueulasse jusqu'à là. Réunis. C'était samedi à 15h, au ministère des Affaires sociales, le gouvernement, les organisations patronales, CNPF et petites et moyennes entreprises, et les confédérations syndicales, ouvrières et de cadres, ainsi que la Fédération de l'Éducation nationale. Le but de cette réunion d'une exceptionnelle importance était de trouver une solution à la crise actuelle que traverse notre pays, de mettre fin au vaste mouvement de grève qui a créé une véritable paralysie de notre économie. Il y a eu des pressions vis-à-vis du personnel nord-africain. Nous sommes arrivés à un ensemble de conclusions positives et dont on peut dire qu'elles constituent un accord. Ils ont reculé, ils ont reculé. J'estime que nous avons atteint un résultat de première importance et qui doit permettre la reprise du travail dans des conditions aussi rapides que le permet la technique. Je crois d'ailleurs que les organisations syndicales qui vont vous donner leur appréciation souligneront, ainsi l'a dit l'un d'entre eux, le caractère très fécond de cette négociation. Puisse-t-il être fécond pour les travailleurs, puisse-t-il être fécond pour la France. C'est ça. Je répète, les gens de chez Vendeur, rentrez, reprendre votre travail tranquillement. C'est ça. Une semaine en moins. Le 25 mai 1968, des représentants des syndicats, du gouvernement Pompidou et des organisations patronales se réunissent. Les négociations aboutissent entre autres à une augmentation de 35% du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, les autres salaires devant augmenter en moyenne de 10%. On prévoit aussi la création de sections syndicales dans les entreprises de 50 salariés et plus. Ce que l'on nomme les accords de Grenelle, bien qu'ils ne soient pas entérinés par une signature, n'entraînent pourtant pas l'arrêt complet des grèves qui se poursuivent en juin. L'apaisement n'est pas encore à l'ordre du jour. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non. Par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Après l'annonce de la dissolution le 30 mai, les élections législatives sont organisées les 23 et 30 juin 1968, confortant la majorité présidentielle qui remporte 367 sièges à l'Assemblée. Le quotidien reprend enfin son cours ordinaire. Il a fallu 2 heures hier après-midi aux pompiers de Laval, de Domfront, de Vège et d'Evron dans la Mayenne pour venir à bout d'un incendie qui a fait des dégâts considérables en ayant pour cause le dérapage d'un camion-citerne chargé de 30 000 litres d'essence. Ratant son virage à Vège, le camion s'est renversé, a pris feu, a explosé. Des jets de flammes ont inondé le bourg, incendiant l'église et plusieurs maisons. 2 voitures en stationnement ont été carbonisées. Une rivière de feu déferlait dans la rue. Les victimes ne sont pas présentes heureusement, mais les vitrines des magasins, sous l'action de la chaleur, s'effondraient. Miracle, pas de victimes. Et dans le même instant, un embouteillage monstre se produisait à Aix-en-Provence, sur la place de la Libération, au milieu de laquelle s'élève la célèbre fontaine aixoise. Une étudiante de 20 ans s'y baignait, dans le plus simple appareil, aussi dévêtu que les statues des arts, de l'agriculture et de la justice, s'élevant au milieu du bassin. La naïade, vivement vêtue de pèlerine contre son gré, a été conduite au commissariat. Les motifs de son acte ne nous sont pas révélés, mais il faut rappeler toutefois qu'hier à Aix-en-Provence, il faisait 30 degrés centigrades. Cela n'a été une surprise pour personne. Charlie Grosskost, champion de France de poursuite. Au jeu des 7 différences, demain est tout comme hier, ou presque. Quelques signes plus ou moins discrets clignotent, certains mots s'invitent dans la langue. Convié par Jean Villard et venu des États-Unis en combi Volkswagen, le Living Theatre atterrit au Festival d'Avignon. les visages de Julian Beck et Judith Malina s'invitent dans les journaux. Nouveaux incidents hier soir au Festival d'Avignon où le Living Theatre présentait Paradise Now. À l'ouverture des portes, il y eut déjà de nombreuses bousculades et une atmosphère électrisée planait sur le public quand a débuté la soirée. Descendant parmi les spectateurs, les acteurs américains les ont visiblement pris à partie. À un moment, quelques animateurs de ce spectacle surprenant se sont déshabillés et livrés à des gestes obscènes. Dans le public, des femmes étaient terrassées par des crises de nerfs. Des spectateurs ont quitté leur place en invectivant ceux qui paraissaient apprécier ce Paradise Now aux puissantes sonorités cacophoniques. Un climat orageux, des affrontements entre spectateurs et acteurs autour d'une représentation, une nuit agitée pour la cité des papes, le Living et son paradis actuel, c'est ça. The revolution doesn't want power. Mais il y a deux jours d'après, il y en a un, c'est les vacances. Des grandes vacances, et après le jour d'après c'est la rentrée où tout est un peu redevenu comme avant, mais pas tout à fait. Mais par contre les rapports, l'égalité qui avait été créée en 68 par certains adultes a disparu. On est retombé dans notre catégorie de lycéens, voilà, avec des profs qui nous disaient ce qu'on devait faire, ce qu'on devait apprendre. Si je le regarde maintenant avec des yeux de et d'adulte et même de vieux, non, mais il fallait bien. Pour que la société tourne, il fallait bien qu'on retrouve notre place aussi, pour qu'on étudie. On avait des choses à apprendre, on avait des choses à faire dans notre vie. Georges Pompidou remporte l'élection présidentielle de juin 1969 avec 58% des voix face au candidat du centre démocrate Alain Poher. Le communiste Jacques Duclos, le socialiste Gaston Defer, les candidats PSU Michel Rocard, d'hiver gauche Louis Ducatel et celui de la Ligue communiste Alain Krivine ne sont pas allés au-delà du premier tour. Les casseurs vont devenir les payeurs dans les plus brefs délais. La déclaration d'intention faite hier soir par M. Chaban-Delmas a été confirmée ce matin en Conseil des ministres par l'approbation d'un projet de loi pour la répression des violences collectives d'où qu'elles viennent. Il est prévu la réparation des dommages de certaines manifestations. D'ailleurs, écoutez le porte-parole du gouvernement, M. Léo Hamon. La participation à ces groupements ou à ces groupes ou à ces rassemblements sera puni de peine de prison et pourra en outre comporter pour tous les participants une obligation à la réparation pécuniaire des dommages infligés. Un autre délit sévèrement sanctionné est celui de la séquestration d'une personne ou encore de l'invasion par des procédés illicites d'un local affecté à un service public et du maintien dans ce local malgré les injonctions d'évacuation faites par les autorités responsables. Même sanction, même protection contre les délits consistant en une invasion du domicile d'un particulier. Ce projet de loi va être déposé sur le bureau du Parlement dans les plus brefs délais. Je vous présente Monsieur Guernic. Il est breton, il est artisan. Il est aussi vous tous à la fois. Que vous soyez ouvrier ou cadre, paysan ou chercheur, mère de famille ou célibataire, ce qui lui est arrivé peut vous arriver à vous demain. Il passe en correctionnel le 25 mai pour avoir soutenu des amis qui jetaient à la décharge publique les prospectus d'un concurrent déloyal, un magasin à grande surface. Bon, d'accord, il y a eu des tracts donc publicitaires de kidnapper. C'est sûr, c'est un délit, pas de doute. Enfin, c'est quand même un délit mineur, à mon point de vue. On y dit. Alors, une fois pris, sur le fait, bon, enquête, etc., une amende, quoi, je pense. Tribunal de simple police, et voilà, c'est tout. Non, ah non, c'est que ça a explosé. Ça a fait une histoire de maquis, de maquisards, de je sais pas, moi, enfin, de guerre de libération, bientôt, juste à partir d'une bêtise, pareil, quoi. Hein? Alors, comment ça s'est passé, donc? À partir du moment où ils ont su que des tracts avaient été pris. Eh bien, c'est-à-dire les gens donc qui distribuaient ces tracts ont porté plainte, ce qui est normal d'ailleurs, logique, ouais. On voit absolument rien, on voit pas d'inconvénient à ça. Et résultat, deux de nos camarades incarcérés, paf, comme ça, sans jugement, sans rien, et... Chut. Voilà, enfermé au bagne de Brest. Et alors vous avez décidé de vous constituer prisonnier, est-ce que... Ah ouais, on s'est dit, ben c'est la seule solution. Parce que nos deux copains sont dedans, ben nous aussi, on va y aller, tous, dedans. Et alors là, ça a fait la grosse affaire. Ah, parce que ça, c'est encore pire, évidemment, se constituer prisonnier. Vous vous rendez compte? Alors j'aurais jamais cru que je serais tombé sous le coup de la loi anti-casseur en constituant prisonnier. Ça, j'avais pas pu imaginer. Alors. Je pensais que se constituer prisonnier, c'était tout ce qu'il y avait de plus... Enfin, de moins violent, quoi, au monde. Je me constitue prisonnier. Ah non. Maintenant, j'ai appris que c'était... Ben, qu'on était casseur quand on faisait ça, quoi. C'est-à-dire, comment ils ont réagi? Par les gendarmes, ici. Ouh là, prudemment. Ils sont barricadés dans leur gendarmerie. Ils ont appelé les renforts, s'il vous plaît. Et ils sont venus, les renforts. Ouais, ils sont venus. Ouais. Compagnie, casquée, bardée, fusil. Première sommation, deuxième sommation, troisième sommation. Et le matraquage a commencé, d'ailleurs, tout de suite. Ah oh, oui, enfin, coup de crosse. C'est la première fois, d'ailleurs, mais enfin, ça m'est resté depuis. On risque d'être traumatisé avec des trucs comme ça, hein. C'est vrai. Mais le type qui veut simplement vivre, hein, survivre, faire vivre sa famille et être lui-même dans son pays, ben ici c'est bien difficile, hein, depuis pas mal de temps. Alors, je crois que les gars commencent à en avoir ras-le-bol, quoi. Vous savez que ras-le-bol, c'est une expression gauchiste. Ah ça peut-être, ouais. C'est possible. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que gauchiste de toute façon? Ça je sais pas. J'entends ce mot-là, je vois ce mot-là partout, on le jette même à la figure quelquefois, moi. Peut-être bien, c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, il faudrait savoir, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, gauchiste? Si c'est vouloir vivre chez soi, de son travail, en paix, alors là, je suis gauchiste, quoi, si on veut, quoi. C'est à peu près tout ce que je veux, et c'est ça que je veux pour mes copains aussi. Pour nous tous, ici. C'est tout. Au début des années 70, l'émission télévisée À armes égales invite deux personnalités politiques à débattre autour d'un thème sur la première chaîne de l'ORTF. Au menu de ce numéro de mai 1972, le gauchisme. Un petit film produit par les invités illustre le propos de chacun. Face à Alexandre Sanguinetti, Michel Rocard, secrétaire général du Parti Socialiste Unifié, le PSU, parle de pouvoir, de violence, d'expérience autogestionnaire qui doit permettre au collectif humain de reprendre leur existence en main. On veut vous faire peur. Mais qui sont-ils? Ces hommes qui nous gouvernent, ces bourgeois tout-puissants. Pour établir leur pouvoir, il leur a fallu faire la plus grande révolution que la France ait connue. Pour consolider ce pouvoir, ou le reprendre, il leur a fallu, en 1871, trahir le pays et négocier avec l'Allemagne l'assassinat de la Commune. Pour le reprendre enfin, en 1958, ils se sont appuyés sur les régiments parachutistes d'Alger. Alors, de quel droit nous donnent-ils des leçons, ces fils de la violence? Leur légalité, c'est leur violence codifiée. Avez-vous jamais vu des forces de police défendant des locataires expulsés contre un propriétaire abusant de ses droits? Avez-vous jamais vu des forces de police défendant des travailleurs contre un patron décidant de fermer son usine? Mais la pire des violences n'est-elle pas de condamner des hommes au chômage? La pire des violences n'est-elle pas de proposer aux jeunes de 20 ans une société de rapine et de profit où l'affairisme gouverne et où la loi du plus fort est la seule respectée? Va-t-on plier toujours? Lorsque la justice a disparu, lorsque la loi légalise l'oppression, reste-t-il d'autre recours que la force collective? La grève du juin français a commencé par une occupation de l'usine. Longtemps, les travailleurs ont cherché un interlocuteur avec qui discuter. Quand ils en ont trouvé un, ils ont voulu aller jusqu'au bout de leurs problèmes. En face, ils appellent cela une séquestration. Écoutez ces deux ouvrières du juin français. Quand elles vous parlaient, elles ne savaient pas encore qu'elles gagneraient. Mais elles savaient déjà qu'elles avaient changé. Elles avaient pris conscience. Oui, je suis une révoltée. Parce que il y a vraiment des injustices. Cette usine qui dure depuis très longtemps. Et on en a marre, quoi. On est à bout de voir ça. Vous travaillez depuis combien de temps à l'usine? Ça fait 4 ans et demi. Alors comment ça s'est passé pour vous au début? Au début, ben, j'étais anti-gréviste au début, parce que en 68, je connaissais pas de rien sur les grèves, quoi. C'est la première fois que je travaillais. Et puis, comme on est 9 enfants à la maison, ben, je ne pouvais pas me permettre de faire grève pendant 5 semaines comme on l'a fait. Puis maintenant, les temps ont changé, quoi. Qu'est-ce qui a changé? Ben, on est plusieurs à travailler maintenant, et puis au bout de 5 ans, au bout de 4 ans et demi, j'ai appris quand même ce que c'était que la vie d'usine, quoi. Qu'est-ce que c'est la vie d'usine? La vie d'usine, c'est un boulot dégueulasse. C'est le bagne. Est-ce que vous êtes pour la violence? Non, je ne suis pas pour la violence. Bien sûr, on a eu plusieurs occasions de... Le directeur nous a provoqué plusieurs fois en envoyant ses flics et tout ça. Moi, je crois que dans des conditions comme ça, on est pour la violence, je crois. Quand on voit les flics en face de nous, je crois qu'on est pour la violence. Moi, je trouve, parce que ça révolte de voir des trucs comme ça. Je suis pas d'accord. Parce que moi, je crois que... En envoyant des flics dans l'usine, ils nous ont provoqués, écoute. Oui, ils nous ont provoqués. Donc, je crois que quand on voit ça, moi, je suis pour la violence. Et vous, votre avenir à vous, vous le voyez comment? Si on ne change pas de travail, je crois que je pourrais pas rester là. Parce que quand je demande de changer de place, par exemple, au joint, à la place où je suis, on me répond si je n'ai pas contente, on me met à la porte. Mais maintenant, je crois que je pourrais plus accepter de rester, de rester sur cette machine, quoi, puis de me faire trimballer dans tous les ateliers comme on trimballe en ce moment. Depuis la grève? Depuis la grève, je crois, oui. Et pourquoi ça? Parce que c'est maintenant que je me rends compte que moi, on m'a pris pour un pantin depuis que je suis dans l'usine, quoi. C'est maintenant que je vois ça. En rentrant, je crois que je pourrais plus me laisser faire. Les femmes avec nous! Les femmes avec nous! Dans un beau pays comme la France, c'est dégueulasse de laisser faire ça. C'est une honte. Ce qui est encore mieux, c'est tous les gens qui les regardent qui disent rien. C'est ça qui est la honte. Vous en êtes, madame? Oui, mais il faudrait être plusieurs pour crier, bien sûr. Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Plus d'enfants à la chaîne, plus de chaîne pour les enfants. Plus d'enfants à la chaîne, plus de chaîne pour les enfants. Notre critique des hommes ne s'est pas faite contre leur soutien à la grève des femmes. Cela, nous l'avons apprécié comme tout le monde, ainsi que le changement que les initiatives de ces femmes provoquaient en eux. Certains n'en revenaient pas de voir leurs femmes autant transformées, autant s'affirmer. Mais cela ne suffit pas. Malgré tout, les oppressions persistaient pas à la phrase de... Comment on peut faire mettre des citations? Non, attends, on finit. Mais cela ne suffit pas. Tant que les ouvriers persisteront à accabler femmes, mères, sœurs, etc. de tâches domestiques non partagées et de les culpabiliser d'abandonner la tenue de la maison, celles-ci seront moins libres, voire incapables de mener les luttes de classe. Le torchon numéro 0 arrive à la fin de l'année 70. Il avait été commencé bien avant. Alors attendez, je l'ai là. C'est un peu un condensé de ce qu'il y a après dans Le Torchon Brûle et dans d'autres publications du mouvement. C'est-à-dire ce mélange qui était absolument explosif. On a pris l'habitude depuis d'expériences vécues, personnelles, de textes théoriques politiques, de dessins, de poèmes. Il y a le texte absolument pionnier de Pat Menardi sur la politique du travail ménager, qui est l'expérience, alors elle le dit, c'est sur 10 ans, de guerre interne au couple sur comment faire partager vraiment, et pas seulement en parole et pas de façon hypocrite, l'ensemble des tâches ménagères à son Jules. Et c'est un texte qui sort quasi en même temps que le texte tout à fait pionnier de Christine Delphi, qui s'appelait « L'ennemi principal » et qui était publié dans Partisan quasi en même temps, quelques semaines avant. Vous pouvez nous résumer un peu cet article? Écoutez, c'est très simple, c'est même un peu simpliste, mais à l'époque, ça a été une bombe. Ça a été Le travail ménager, un, n'est pas reconnu comme un travail. Deux, donc, n'est sanctionné par aucune forme de rétribution. Trois, définit une forme d'exploitation tout à fait particulière qui est l'exploitation des femmes dans un système économique qui n'est pas le capitalisme, qui est le patriarcat. Donc, c'est à travers la critique de l'extorsion de cette forme particulière de travail et du système patriarcal qui va avec, donc de l'ensemble de la domination masculine, que les femmes pourront se libérer, et pas du tout en espérant que leur libération viendra en pochette cadeau le jour où la lutte des classes aura gagné. Le MLF n'a été créé par personne. Il a pris naissance en France à la suite, sans doute, et dans la foulée de mai 68, par le rassemblement d'une dizaine de femmes, puis 15, puis 100, et aujourd'hui, au début de l'année 72, par des milliers de femmes, non seulement sur la région parisienne, mais en province, partout en France, dans les lieux d'habitation, dans les lieux de travail, dans les lieux d'études, et non seulement en France, mais dans la plupart des pays d'Europe. On n'a pas encore dit ce que c'était le MLF, c'est le Mouvement de Libération des Femmes, non ? Je pense aussi que dire MLF, c'est une tendance réductrice et qui nous vient de l'extérieur. Il n'y a pas de MLF. Dire MLF, c'est comme dire PC, c'est comme dire CGT, c'est comme dire GP, c'est comme dire PSU. C'est-à-dire, c'est vouloir nous assimiler à ce qui est le politiquage des hommes. Il n'y a pas de MLF, il n'y a pas, ce n'est pas un groupuscule, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. Un de nos mots d'ordre, disons, c'est notre corps nous appartient. C'est-à-dire que c'est d'abord aux femmes de définir ce qu'elles veulent exactement. Et c'est à elles de définir leur contraception. Ce n'est pas à l'échelon gouvernemental que ça doit se décider. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a une très grande récupération de la contraception. On pourrait parler de certains pays, par exemple, où pour des raisons évidentes, de commerce, etc., la contraception est proposée. Mais vous me faites rigoler avec votre mot de récupérer. Ce que vous appelez récupération, c'est l'acte qui consiste de la part de la société, des législateurs, du gouvernement, à adopter des points de vue que vous avez défendus. Alors de quoi vous plaignez-vous ? À institutionnaliser. Attention. Oui. Institutionnaliser tant que vous voudrez, de Madame Michel. Mais là, j'ai une question. Alors, si demain, on institutionnalise la liberté et la gratuité de l'avortement, c'est ce que vous demandez. Alors, à ce moment-là, vous serez contre parce que ça a été institutionnalisé. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de tout d'abord, au départ, d'une exploitation des femmes en tant que fabricantes de marchandises humaines. Le problème de la contraception de l'avortement est à double tranchant. C'est-à-dire, il est bien entendu qu'on est pour la liberté totale sur ces principes-là. Et d'autre part, ça n'est pas la solution toute faite. On va plus loin. Il ne suffit même pas de donner l'avortement et la contraception tout à fait libre, c'est pas ça qui résoudra le fond du problème non plus. C'est si vous voulez, c'est au départ une exigence absolue. Oui. Qui en entraîne beaucoup d'autres. On peut dire que la majorité des femmes, encore aujourd'hui, ne savent pas comment elles sont faites, quelles sont les différentes parties de leur corps. Bon. Alors, elles acceptent l'image qu'on leur donne de leur corps, qui est une image très floue, parce qu'on ne veut pas préciser les choses, mais on parle, par exemple, beaucoup d'éducation sexuelle, et bien il s'avère que personne n'a jamais dit à une petite fille ou à une jeune fille, ou même à une femme, personne ne lui a expliqué qu'il existait dans son appareil sexuel une partie absolument définie, précise, qui est la partie qui consiste à procréer, à concevoir et à procréer, qui est une chose, et qu'il existe en elle, anatomiquement, une autre partie qui est exclusivement destinée à la jouissance physique. Depuis 16 heures cet après-midi, une dizaine de marmots occupent le bureau de M. Cuc, le directeur administratif du centre. Les contestataires en culottes courtes ne savent pas très bien pourquoi ils sont encore là ce soir, mais peu importe, ils ont envahi sans complexe le bureau directorial et n'ont pas l'intention de partir tout de suite. Après tout, pourquoi pas, puisqu'on a bien fait les choses, en mettant les jouets en commun, les marmots sanciers se sont créés un paradis à leur image. Pendant ce temps-là, les parents protestent, ils ont publié un communiqué avec trois revendications principales. On veut des locaux appropriés pour l'hébergement des enfants, disent-ils. On souhaite des éducateurs choisis et rémunérés. Enfin, on souhaite l'ouverture de cette crèche à tous les enfants du quartier. Voici quelles sont les revendications. Pour l'instant, les autorités font la sourde oreille. Alors il a été décidé que cette nuit, 10 enfants coucheront ici. Cette perspective n'est pas pour déplaire aux gosses d'ailleurs. L'un d'entre eux a exposé son point de vue au micro de France Inter. Quel âge tu as, 4 ans ? 4 ans, oui. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi au centre Sensier ? J'ai occupé le bureau de Cuc. Et puis qu'est-ce que tu as fait ? Tu as joué ? Tu t'es amusé ? Oui, j'ai joué avec les fauteuils de Cuc. Et voilà. Quand on crée une structure de travail, qui peut être une université, qui peut être une usine, qui peut être une administration, ne pas oublier aussi de mettre en place une structure qui convienne aux enfants. Parce qu'il est évident que les gens qui viennent travailler sont des êtres humains et que la plupart des temps, ils ont des enfants. Justement, en mai dernier, puisque l'université était ouverte à tous, nous avions les travailleurs, les étudiants, les enseignants, les enseignés qui venaient sur le même lieu trouver certaines formes d'épanouissement, de discussion, etc. C'est-à-dire qu'on avait réellement une université ouverte à tous. Ce qui, bien sûr, nous a permis de mettre en place des structures sociales qui conviennent aux enfants d'âge préscolaire et d'essayer de prouver que cela est réalisable. Donc nous avons ouvert ce que nous appelons des haltes garderies pour des enfants de 2 mois à 6 ans, avec un encadrement mixte, avec une participation des parents, c'est-à-dire que les parents pouvaient venir déjeuner avec les enfants, pouvaient participer aux ateliers, pouvaient participer à leur éducation tout court, pouvaient trouver des personnes qui pouvaient répondre aux propres problèmes des parents. Souvent, la question a été posée, encadrement mixte, mais vous ne trouverez jamais les éducateurs. Or, quand nous avons agi, il s'est révélé que nous avons eu autant de garçons que de filles, sans le demander, qui sont venus spontanément se proposer, ce qui permet d'assurer l'image parentale d'une certaine classe aux enfants. Et puis alors, nous avons formé une association qui s'appelle Crèche-Garderie sur lieu de travail ou d'habitation, une association qui, au fond, va se pencher sur les problèmes de l'enfant, de l'environnement de l'enfant, de la condition féminine, de la société. Tout court, parce que poser, qu'on s'y prenne par n'importe quel bout, on arrive à se poser le problème de la société telle qu'elle est comprise et telle qu'on la subit en ce moment. Et nous sommes mis en association sous la loi de 1901. Et comme toute association, nous débutons très petit, mais nous voudrions, au fond, comme le planning familial, essayer d'alerter l'opinion publique et au moins pour les jeunes enfants faire quelque chose. Parce que faire quelque chose pour l'université, c'est vraiment mettre un bâton dans l'eau, parce que au lieu de penser à nos jeunes qui sont fichus maintenant, parce qu'on est fichus, il vaudrait mieux se pencher sur le problème des jeunes enfants, parce qu'on est en train de préparer seulement des enfants qui ne pourront jamais s'intégrer. Lundi matin, une classe de 7e dans une école du 15e arrondissement à Paris. Un groupe d'élèves prépare la revue de presse. Chacun d'eux a choisi un événement, un article, dans le journal de ses parents. Pour les élèves de Serge Bergeret, l'école n'est pas un monde à part, à l'écart du monde réel. Continuez votre travail, là. Je vais voir où en est l'équipe. On n'y vient pas pour recevoir passivement l'enseignement dispensé par un maître infaillible. La classe, pour eux, ce n'est rien d'autre qu'une petite communauté de 26 enfants, guidée par un adulte, dans ses recherches, dans ses découvertes. Tu as trouvé ? Tu sais ce que c'est ? Attention, hein, je vois dans ton article un mot difficile, émanation. Tu sais pas ce que c'est ? Alors va chercher un dictionnaire, puis cherche le mot, parce qu'ils vont tout de suite. Ça va être leur première réaction, et te demander ce que c'est que des émanations. Tu crois que ça vaut la peine de faire une émission de télévision ? Pourquoi ? Faut dire ce qui est. Parce que beaucoup d'écoles travaillent à l'ancien temps, mais nous, on donne l'exemple. Si on peut dire, on travaille à la moderne. On est comme penché sur les livres, mais on n'a pas l'impression d'être penché sur les livres. Ça veut dire que le maître fait de telle sorte que la grammaire et le français nous plaisent, et comme ça, on en fait à gogo. Mais aussi, il ne faut quand même pas s'embêter à penser qu'on le sont les jeudis, au lieu de se distraire, penser qu'à réviser sa grammaire. Enfin, faut quand même se distraire, il faut quand même profiter de la vie, parce que peut-être que demain on sera mort, hein, on peut pas le savoir à l'avance. Hein. Le 21 décembre 1968, à 13h39, des hommes s'arrachaient à leur univers pour la première fois dans leur histoire et pouvaient le contempler à 350 000 km de là comme une chose abstraite. Au même instant, à travers le monde, 500 millions d'hommes assistaient à leur propre victoire. Car la notion bouleversante, c'est l'information. Jamais elle n'a été aussi présente, aussi riche, aussi varié, aussi inévitable. Les adolescents d'aujourd'hui vivent dans l'information comme le poisson vit dans l'eau. Sur la prise de conscience, c'est pas venu de nous, en fin de compte. C'est venu de l'extérieur, parce qu'il se trouve que... je crois que c'est un phénomène de génération, non, je ne crois pas. Un phénomène de génération beaucoup plus réceptif à certains problèmes, les problèmes moraux, les problèmes idéologiques. C'est le monde de la télévision, du cinéma, du journal. Il y a un truc qui se passe à des dizaines de milliers de kilomètres, mais il n'y a pas de problème. Quelques heures après, on est au courant. Ces choses-là, mais même petit, je vois, j'ai une petite sœur, mais c'est formidable. Quoi. Elle est éveillée à des choses qui, lorsque j'avais son âge, je n'y étais pas du tout. Bon, bah, tout ça s'accumule, ce qui fait que l'esprit est en éveil, tout ça. Et puis, avec le lycée, pour en étant un étudiant, on s'aperçoit très vite de la rupture qui s'opère entre la vie de tous les jours, entre le Vietnam, entre les ouvriers, entre le monde du cinéma, enfin le monde artistique et ce qu'on nous enseigne. Donc, il y a cette rupture, il y a quelque chose qui sort, quelque chose de. Bon, il y a une prise de conscience qui se fait, et c'est ce qui fait, je crois, que les. Plus ça va, plus un adolescent qui va vers le monde adulte se sentira de plus en plus tôt responsable de ce qu'il va faire. Il ne s'agit plus d'avancer des théories fumeuses comme on le faisait avant. Enfin, moi, je sais que j'évite maintenant parce que, vu ce qu'on a, cerner les problèmes beaucoup plus franchement qu'on faisait avant. Non qu'est-ce que c'est qui compte le plus pour vous c'est d'avoir. C'est de gagner de l'argent. Un peu, ouais. Un peu, même un peu beaucoup. Qu'est-ce que vous en faites de votre argent? Par exemple? Je dépense. Vous donnez à quoi? Un peu à tout. C'est-à-dire? J'ai une voiture. Vous avez acheté une voiture? J'ai acheté une 2 chevaux, puis j'achète des vieilles voitures en ce moment. Je vais essayer de faire une collection de vieilles voitures. On sait jamais, ça peut marcher. Ça peut marcher à quoi? Bah, pour m'amuser, pour passer le temps. Vous avez quel âge? 18 ans. Vous avez déjà 18 ans? Non, je vais tous les avoir dans 2 semaines. Vous travaillez? Oui, je travaille. Qu'est-ce que vous faites? Tourneur. Vous travaillez depuis quel âge? 16 ans, 16 ans et demi. Vous avez trouvé du travail tout de suite? C'est l'école qui m'a placé. Et vous êtes resté chez le même oui. Employeur tout le temps? Toujours. Vous avez quel âge? 19 ans. Vous avez 19 ans. Et qu'est-ce que vous faites? Je travaille dans les téléphones. Vous avez une formation technique? Un CAP d'électromécanicien. Vous êtes préoccupé de votre avenir, non? Un peu. Oui. Je ne dois pas être à 40 ans comme je suis maintenant. Je crois que les problèmes ne sont pas les mêmes entre les étudiants et les travailleurs. Je me sens, par rapport à, en voyant les différents, je me sens beaucoup plus prolétaire que je croyais à l'être. Qu'entendez-vous par là? Les différences, les problèmes qui se posent entre étudiants, je voyais pas tout pareil. Et puis nous, puis moi, qui travaille, c'est pas du tout la même ambiance. Rendre plus poreuse la frontière entre ouvriers et intellectuels, souvent étudiants, telle est l'une des questions qui traverse une partie de la gauche dans le sillage de 68. En 1978 paraissait L'Établi, récit dans lequel Robert Linhart, fondateur de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, puis militant de la gauche prolétarienne, raconte son expérience d'ouvrier à l'usine Citroën de la Porte de Choisy. En 1986, Nicole Linhart retrace les débuts de ce voyage transclasse. Nous, enfin les militants de l'organisation, on avait décidé d'aller passer des vacances militantes dans différents coins de France, comme ça, pour étudier un peu la situation sociale. Alors moi, j'étais dans le midi de la France, et j'ai eu la chance qu'il y ait une grève assez importante en plein mois d'août, qui était la grève de Perrier, quoi, les usines Perrier. Et j'ai connu le syndicaliste qui animait ce mouvement. On s'est liés à eux, on leur a proposé notre journal. Et c'était des gens tout à fait particuliers. Et quand le groupe dirigeant, donc Robert et ses camarades, sont revenus de Chine, on s'est retrouvés pour se dire qu'en fait, il fallait aller s'établir, quoi, ce qu'on a appelé l'établissement, c'est-à-dire aller travailler en usine, parce que c'était là où on pouvait rencontrer les ouvriers, surtout les ouvriers plus avancés, etc., etc. Ça a suscité beaucoup de problèmes dans l'organisation, parce qu'il y avait c'était une organisation d'intellectuels, complètement. Ça supposait quand même qu'on abandonne notre vie, nos études, etc. Surtout que les usines qu'on trouvait à cette époque-là, c'était bien sûr des usines d'immigrés, de femmes, où on pouvait s'embaucher facilement, quoi. Me voici donc à l'usine, établie. L'embauche a été plus facile que je ne l'avais pensé. J'avais soigneusement composé mon histoire, commis dans l'épicerie d'un oncle imaginaire à Orléans, puis manutentionnaire un an, certificat de travail de complaisance, service militaire dans le génie à Avignon, j'ai récité celui d'un camarade ouvrier de mon âge et prétendu avoir perdu mon livret. Pas de diplôme, non, même pas le BEPC. Je pouvais passer pour un Parisien d'origine provinciale perdu dans la capitale et qu'une ruine familiale contrainte à l'usine. Je répondis brièvement aux questions, taciturne et inquiet. Ma piètre mine ne devait pas détonner dans l'allure générale du lot des nouveaux embauchés. Elle n'était pas de composition. Le laminage des convulsions de l'après-mai 68, un été de déchirement et de querelle, était encore inscrit sur mes traits. Comme d'autres, parmi mes compagnons, portaient la marque visible de la dureté de leurs conditions de vie. On n'emmène pas large quand on vient quémander un tout petit emploi manuel, juste de quoi manger, s'il vous plaît, et qu'on répond timidement « rien » aux questions sur les diplômes, les qualifications, sur ce qu'on sait faire de particulier. Je pouvais lire sur les yeux de mes camarades de la file d'embauche, tous émigrés, l'humiliation de ce rien. Quant à moi, j'avais l'air suffisamment accablé pour faire un candidat ouvrier insoupçonnable. Monsieur l'embaucheur a dû penser « tiens, un demi-campagnard un peu ahuri, c'est bon ça, ça ne fera pas d'histoire ». Et il m'a donné mon bon pour la visite médicale. Au suivant. D'ailleurs, pourquoi l'embauche d'un ouvrier à la chaîne serait-elle une opération compliquée ? Idée d'intellectuel, habitué à des recrutements complexes, des étalages de titres, des profils de poste, ça, c'est quand on est quelqu'un, mais quand on est personne. Ici, tout va très vite. Deux bras, c'est vite jaugé. Visite médicale éclair avec la petite troupe d'immigrés. Quelques mouvements musculaires, radio, pesage. Déjà l'ambiance, mets-toi là, torse nu, dépêchez-vous là-bas. Un médecin qui fait quelques croix sur une fiche, ça y est, bon pour le service Citroën. Au suivant. C'était 1968, sous les pavés, l'avenir, avec Michel Coinel, Odile et Jean-Paul. Merci à Joseph Sauton. Archivina, Amélie Briand-Lejeune. Mixage, Philippe Mercher. Un documentaire de Doria Zénine et Marie Chartron. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter sur les pavés, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Jules Crétois et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, 1974 du pétrole et des idées.